Chapitre 33e. Confrontation. Monique Plantier avait enfin trouvé le courage de prendre rendez-vous avec Jean Chartrieux, et elle en était heureuse. Il fallait qu'elle règle la question une bonne fois pour toutes. Elle n'en pouvait plus. La secrétaire, à la réception, s'était montrée charmante et compréhensive. Monique avait rendez-vous pour 10 heures, mais elle s'était présentée en avance. Il lui faudra donc patienter en salle d'attente, comme chez le médecin, ce qu'elle avait en horreur. Une fois de plus, elle maudit ceux qu'elle ne pouvait plus que nommer les affreux, car elle n'allait certainement pas manquer de se ridiculiser. Elle s'en moquait. Elle était prête à aller jusqu'au bout. La torture avait assez duré. Elle avait bien gagné le droit de savoir. Puisque Pierre ne voulait pas parler, il fallait bien qu'elle s'adresse ailleurs. La nuit précédente, elle avait trouvé l'attitude à adopter. Elle n'agresserait pas Jeannot. Elle le respectait bien trop pour cela, mais elle lui mettrait le marché en main. De toute façon, son silence ne la renseignerait-il pas mieux que tout, surtout avec un être extraverti comme lui. Tout comme son Pierre, il n'avait jamais su dissimuler. S'il avait fait une bêtise, on le savait tout de suite. Très souvent, c'était plus par maladresse qu'autre chose. Il était foncièrement un bon garçon. D'ailleurs, tout comme Pierre, il avait fait de solides études et, tout comme Pierre, il avait une belle situation, et des enfants qui, eux, n'avaient jamais posé de problème. Jean Chartrieux la reçut à l'heure, et elle put voir qu'il était surpris de la voir. Il tentait si maladroitement de le dissimuler qu'elle choisit de prendre l'initiative. « Eh oui, Jean, c'est bien moi. Je crois que nous avons à parler tous les deux. » Jean la pria, en la vouvoyant, de s'asseoir. Elle avait bel et bien le notaire devant elle, mais elle s'en moquait. Elle se doutait qu'il devait être bouleversé, et mieux, elle le comprenait. Elle-même aurait tout donné pour ne pas avoir à faire cette démarche. Jean, mal à l'aise, s'épongea le front, mais eut l'intelligence de ne pas tergiverser. « Monique, vous devez bien comprendre que je ne peux rien vous dire, comme vous le savez. » Monique décida de couper net. Inutile de lui ressortir le couplet sur le secret professionnel. « Je sais, Jean. » « Inutile de te trahir. Ton attitude vient de me renseigner au-delà de tout. Monique, je vous assure que tu n'as pas à t'excuser, je ne t'en veux pas. Je tiens même à te dire, mon pauvre Jeannot, que je n'aimerais pas être à ta place. Ce maudit papier doit bien te brûler les mains. Seulement, crois-moi, il est plus que jamais nécessaire. Je suis au moins heureuse que Pierre ait placé sa confiance en toi, car tu es un véritable ami. Maintenant, je m'en vais. Je suis enfin en paix. » Monique Plantier ne demanda pas à être accompagnée. Elle trouva son chemin toute seule. Jean Chartrieux, lui, accusa fortement le coup. Puis, sur une inspiration subite, il saisit son téléphone. Il composa un certain numéro, qu'à présent il connaissait par cœur, et demanda à être immédiatement mis en relation avec Pierre Plantier. Une voix impersonnelle lui répondit et le fit patienter quelques instants. Enfin, Pierre fut en ligne. Il ne lui laissa pas le temps de parler et dit d'un trait « Pierre, ta mère sort de mon étude. Je crains bien qu'elle n'ait tout compris. Je crois qu'il serait bon que tu l'appelles, ou mieux, que tu ailles la voir. » Pierre prit quelques instants avant de répondre « Je crois que tu as raison. Pourtant, tu sais, je ne lui ai jamais rien dit. Je sais, mais je t'ai toujours dit que c'était une fine mouche. Elle vient simplement de nous le démontrer. » « Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit à redouter d'elle. Je ne le pense pas non plus, mais il vaudrait mieux que vous arrêtiez une position commune, ne serait-ce que pour Nadine. Tu peux peut-être prendre ton après-midi ? Pas vraiment, mais je vais le faire. Jean, merci de ton appel. Pas de quoi, vieux. Tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Appelle ta mère tout de suite, veux-tu ? Oui, oui. Mieux vaut ne pas perdre de temps. » Pierre Plantier appela un numéro de portable. Sa mère était dans le train aussi, fut-il difficile de lui parler. Toutefois, ils convinrent de se retrouver chez elle vers 18 heures. Pierre Plantier n'avait pas de temps à perdre. La réunion du jour, si intéressante soit-elle, se ferait pour une fois sans lui. À la tête qu'il faisait, le moine, son chef, jugea plus prudent de ne pas insister et signa sans discuter le bon d'absence. Monique Plantier serrait enfin dans ses bras ce fils qui lui avait tant manqué. Il lui avait tout dit, et elle en était incroyablement heureuse, car elle avait le sentiment qu'on le lui avait enfin rendu. Naturellement, elle avait beaucoup pleuré. D'abord sur cette si jolie fille. Très vite aussi, inutile de se mentir, sur son fils, sur Nadine, puis sur elle-même. C'était si injuste. Le pourquoi si dérisoire. Elle se remémora alors la scène de la cuisine. « Tu étais un cheveu de me parler cette nuit-là. »« C'est vrai, » répondit Pierre. « Tu comprends, c'était tellement lourd. Tu ne m'en veux pas ?»« Non, bien sûr. Qui pourrait t'en vouloir ? Je comprends tes motivations. » « Mais es-tu bien sûr d'être assez protégé ?»« Je ne sais pas. Je l'espère. Je sais que le danger demeure bien présent. »« Ils ne doivent pas revenir, Pierre. Je t'aiderai au besoin. Mais je ne veux plus respirer le même air qu'eux. »« C'est difficile. Nadine voudra les voir un jour ou l'autre. Trouve un prétexte pour aller les voir. Ce pourrait être l'occasion de mettre définitivement les choses au point. Il est grand temps qu'ils s'assument, tu ne crois pas ?»« Je sais que tu as 100 fois raison. » Mais je n'arrive pas à m'y résoudre. Malgré tout, ce sont nos enfants, pour le meilleur comme pour le pire. Elle aussi était une enfant en pierre. Elle ne méritait pas ça. Elle ne leur avait rien fait. D'ailleurs, personne ne leur a jamais rien fait. Ils ne paieront jamais. C'est peut-être ça le plus affreux, finalement, l'impunité. J'en suis aussi malade que toi, mais c'est ainsi. Monique Plantier regarda tendrement son fils. Quel péché avons-nous bien pu commettre ? J'en sais fichtre rien. Crois-moi, je n'ai cessé de tourner et retourner cette question dans ma tête, sans parvenir à trouver la moindre réponse. Sans doute n'y en a-t-il tout simplement pas. As-tu pensé à sa famille ? Bien évidemment. Comment l'éviter ? Je me suis renseigné discrètement. Je crois que le père est mort de chagrin. La mère est demeurée sur place. Une femme très bien. Ce qui rend encore plus insupportable ma lâcheté. Je sais très bien que j'aurais dû aller la voir, seulement... Pour lui dire quoi ? Je pense qu'en cette circonstance, être désolé ne suffit pas et l'argent n'aurait rien réglé. C'est pour cela que tu as choisi de fuir ? Non, ce n'est pas ce que tu crois. J'aurais fini par trouver la force de les affronter. Surtout qu'au labo, on me plaignait plutôt. Rouleau ne m'a pas laissé partir de gaieté de cœur. Il savait que je serais dur à remplacer. D'ailleurs, pour vraiment tout te dire, il n'a cessé depuis de me relancer. Avec à chaque fois une proposition de salaire revue à la hausse. Seulement, il me fallait tenir compte de Nadine. Tu sais combien elle a mal encaissé le coup. Elle s'est peu à peu persuadée que tout cela était de sa faute, qu'elle n'aurait jamais dû s'absenter. Surtout que probablement cela n'aurait rien changé. Exactement. Pierre trouva alors le courage de regarder sa mère dans les yeux. Qui sait alors qu'ils auraient pris pour cible ? Monique Plantier se sentit rougir jusqu'à la racine des cheveux. Visiblement, son fils avait eu la même idée. Très bien. Il fallait maintenant le laisser aller jusqu'au bout. Aussi, elle le laissa délibérément poursuivre. Avoue que tu les gênais de la même façon. Surtout que, reconnais-le, tu ne les aimais guère. Ça y était. La phrase était lâchée. Décidément, c'était l'heure du grand déballage. Tant mieux. Monique Plantier ne se défilerait pas. Les choses duraient depuis trop longtemps. Elle pouvait à présent étaler tout son jeu sur la table. Je reconnais y avoir pensé et m'être beaucoup interrogé. Cependant, laisse-moi te dire que tu te trompes lourdement sur ce point. Je ne les aime pas, je les déteste. Crois-moi que ce ne sont pas des paroles en l'air. Je les déteste pour le mal qu'ils t'ont fait. Je les déteste d'avoir failli détruire Nadine et je les déteste surtout pour t'avoir éloigné de moi, pour t'avoir si longtemps privé de mon soutien. Je les déteste parce que tu as dû tout prendre sur toi, parce qu'ils t'ont obligé à assumer à leur place. Crois-tu qu'une mère digne de ce nom pourrait tolérer cela ? Ah non. Je n'ai toujours voulu que ton bonheur. Tu avais droit à ta part, comme tout le monde. Ils ont tout détruit en quelques minutes, froidement. Que retenir dans tout ce que tu m'as dit ? L'absence ignoble de remords. Ils ont de la chance de t'avoir pour père, car il m'aurait été impossible de me montrer aussi magnanime. Ils me font horreur. Il me terrifie. Il ne me sera plus jamais possible de me trouver à leur contact, après tout ce que tu viens de me dire. Je serai perpétuellement sur mes gardes. Peux-tu comprendre ce que je ressens ? Oui. Malheureusement, force m'est de reconnaître que tu n'as peut-être pas tort. C'est pour cela que tu ne peux pas te payer le luxe de les faire revenir. C'est un trop grand risque, pour tout le monde. N'oublie pas une chose, Ils sont déjà passés à l'acte et rien ne nous garantit qu'ils ne puissent pas récidiver. Ton bout de papier ne suffit pas. Non, cela ne suffit pas. » Pierre Plantier en convint et se mit à pleurer. Il se sentait comme vidé et désemparé. Au moins maintenant, il n'était plus seul. Jean-Baptiste Girardin profitait à merveille de sa semaine d'inactivité. Il bricolait. Il s'accordait une pause bien méritée quand le combiné sonna. La phrase fut aussi laconique que possible. « Ton goéland est à Cap-Breton. Le bateau est sorti le week-end dernier. Il n'a jamais changé de propriétaire. Il semble qu'il ait récemment repris du service. » Il décide alors de faire confiance à Internet. On ne savait jamais. Et il trouva. Il n'avait plus qu'à communiquer le renseignement à Paris, ce qu'il fit immédiatement. Des ordres avaient dû être passés, car il eut directement du tilleul, qui se montra ravi, ce qui était plutôt rare, et aussitôt, il fut missionné pour se rendre sur place. Il était bon pour préparer une nouvelle fois sa valise, mais cette fois, il était content. Du tilleul lui avait recommandé de ne pas regarder la dépense pour l'hôtel. Il partirait donc le lendemain, les vacances étaient finies. Il pensa à Mathilde Pradier. Finalement, il avait fini par le trouver, ce Pierre Plantier qui lui échappait depuis si longtemps. Plus que jamais, il se sentit fier de son métier, car même plus de 25 ans après, il n'avait pas abandonné. Du Tilleul s'autorisait enfin à être heureux. Girardin avait une fois de plus tenu toutes ses promesses, et cela commençait enfin à sentir bon. Son premier réflexe fut d'appeler Morand. L'entrée en matière, comme d'habitude, fut très courte. « On a retrouvé le père. J'ai envoyé Girardin sur place pour faire quelques vérifications. Comment t'y as-tu pris ? Le bateau. Le bateau ? Ah oui, je me souviens à présent. Il y avait un cliché dans le dossier. Je t'avoue que je n'y aurais jamais pensé. Moi non plus. Pourtant, je l'ai vu au moins 10 fois, cette photo. C'était vraiment mince. Je le sais bien, mais c'est par ce genre de négligence que l'on coule certaines enquêtes. « Merci. Allons, tu sais bien que je ne disais pas cela pour toi. N'empêche que tu as raison. Tu vas te rendre sur place. »« Si c'est celui que je recherche, oui, je vais l'entendre. J'ignore pourquoi, mais je sens que c'est important. »« Tu continueras à m'informer ?»« Bien sûr. Dès mon retour, je te charge de rendre visite à Madame Pradier. Je crois que tu l'as bien mérité. »« Merci, du tilleul. Je serais vraiment curieux de connaître enfin toute l'histoire. » « Oh, tu sais, je pense que tu sais déjà tout. Ton intuition de départ était bonne. »« Peut-être, mais je ne suis pas allé au bout. Je crois que je n'ai pas osé. Tu comprends ? C'était trop dur. Malgré tout, j'ai toujours refusé d'y croire. »« Bah, ne t'en veux pas. Même aujourd'hui, l'histoire ne serait pas banale. » Pour Girardin, loger Pierre Plantier ne posa guère de difficultés, surtout qu'il le reconnut immédiatement. En fait, il n'avait pas beaucoup changé depuis l'affaire. Il habitait maintenant une très belle maison, avec vue sur la mer. Visiblement, il travaillait toujours dans la recherche. Girardin s'était également rendu au port pour voir le fameux goéland. Il le trouva facilement. C'était un très beau bateau, et le Joffe avait eu raison sur toute la ligne. Visiblement, on en prenait le plus grand soin. Du Tilleul pouvait donc maintenant prendre sans inquiétude son TGV. Il tenait enfin leur homme. Girardin avait proposé de se rendre directement chez lui, mais du tilleul préférait le voir au port, sur le bateau. Si Girardin trouva le choix pour le moins curieux, il n'en dit rien. Son chef devait avoir ses raisons. En interrogeant les gens du port, Girardin avait appris que le bateau sortait plutôt le samedi. En effet, le dimanche, il y avait trop de monde. Aussi put-il donner un rendez-vous précis à du tilleul. Celui-ci choisit donc de prendre un train en milieu d'après-midi. Il ne pourrait donc pas dormir chez Mado, mais il savait d'avance qu'elle l'excuserait pour cette fois.